Daggy, daggy, daddy, hey, hey. Daggy, daggy, daddy, hey, hey. Daggy, daggy, daddy, down, diggity down, diggity down, down, down. Hier, mes amis, tout allait bien. C'était fini de tous mes chagrins. Mais aujourd'hui, j'ai trop de peine. Parce que j'ai revu Nolwenn. Mon cœur fait bing, bang, comme un carrousel. Bing, bang, elle était si belle. Bing, bang, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Je l'avais presque oublié. Pourquoi faut-il que je l'ai rencontré? À la sortie du bus, j'ai trop de peine. Parce que j'ai revu. Nolwenn, oh ça y est, quand elle a souri, elle a bouleversé ma vie, c'est fou. L'amour me brûle et mon cœur me bouscule. Hey, hey, daggy, daggy, daggy, hey, hey, daggy, daggy, daggy, hey, hey, daggy, daggy, daggy, down, diggy, down, diggy, down, down, down. Seul je vais dans les rues, je me sens un peu perdu. Mes copains se demandent pourquoi tant de peine. Parce que j'ai revu Nolwenn. Mon cœur fait bing, bang, un rythme infernal. Bing, bang, et ça me fait mal. Bing, bang,